je suis toujours le même. La crime, rime plus, on dort que d'un œil. Celui qui fusille à l'unique. En revanche, avec des coups, il a mis à beaucoup d'espoir. Espoir, au feu rouge, il t'arrache ton mot d'espoir. Chez nous, y'a pas d'avenir à ceux qui prient le diable. Être enfouraillé, de fourraillé, c'est primordial. Toujours capuché, 17 piges, la tête fâchée. On braque en 2 minutes, gros, tu ne fais que cracher. C'est Mario 9-4 nous a causé de vrais torts. Viens, nous sucer la bite à de la pure de Red Dom. Ouais, chez nous, c'est la guerre, ça dépasse Tel Aviv. Tellement de sous qui circulent qu'on voudrait même racheter la ville. On a des cœurs de pierre, car rien ne s'offre à nous. Tous les mecs de ma tête sont magiques quand ils font l'amour. Ramène-nous Benucci, n'importe qui va la ken. On claque 30 pas la Miami, demain 30 pas la Marrakech. Je parle pas de casier judiciaire, le nôtre fait 200 kills. On vient de Cheville, 9-4, l'ami, on vous encule. On vient de Cheville, la rue, ouais, on vous encule. Ok, 9-4 sur le matricule. Condamné, fiche de recherche, mise sur écoute. Si je me ferais tatouer le coup, j'aurais mon numéro d'écrou. On vient de Cheville, la rue, on vous encule. On représente le 9-4 sur le matricule. Les petites insultes ta mère, donc arrête de me tonner. Laisse leur local, si te la mettre pour une demi-tonne. Là c'est trop tôt, poteau, pour que je t'explique le topo. Ramène-nous un petit plan lingot, tableau, cofio. On va faire disparaître ça, comme un gramme de coco. Dans la narine droite, ça, Ronaldinho gaucho. Je vais trop froidir toi, si tu crois que t'es trop chaud. Le game est verrouillé, y'a un gros pied de biche dans notre trousseau. Ouais, c'est du rap de rue, ça pas autre chose. J'suis pas hip-hop, reste les femmes aux fans de Denis Rousseau. Besoin de pesos, pour ça que ça vend du shit dans la main. Coupé au laser, envoie même s'il y a pas, on ramène. Les types vendent des piles, du plat, du caramel. Ils sortent sur une vague de violence, oh y'a pas sur caramel. Caramel, pas sûr, tu te la ramènes. 9-4 sans pied, on vient chez toi manger ta gamelle. Tu connais le panel, ça gille, ça braque, la vie goût cannelle. Toujours le même, la crime rime, cuisse comme on vient de Cheville, la rue, ouais on vous encule. Ok, 9-4 sur le matricule. Condamné, fiche de recherche, mise sur écoute. Si je me ferais tatouer le coup, j'aurais mon numéro d'écrou. On vient de Cheville, la rue, on vous encule. On représente le 9-4 sur le matricule. Les petites insultes ta mère, donc arrête de m'étonner. Laisse leur loca, si te la mettre pour une demi-tonne. Grosse coupe, calage, acier, mental, 4 balles, 100 grammes, zipette, Vandame, Sébec, microbe, commissaire, malade, pose pas tes yettes devant chez moi sans licence valable. Petite balade, Paris, by night, Yankee, Vanav, première, salam, retour, tendu, gyrophare, l'ardu, trop dur, trop tard, nos quiero, finir en carrière. On vient de Cheville, la rue, ouais, on vous encule. Ok, 9-4 sur le matricule. Condamné, fiche de recherche, mise sur écoute. Si je me ferais tatouer le coup, j'aurais mon numéro d'écrou. On vient de Cheville, la rue, on vous encule. On représente le 9-4 sur le matricule. Les petites insultes à merde, donc arrête de m'y tonner. Laisse leur loca, si te la mettre pour une demi-tonne.